qui est rassurant. Ce qui est rassurant, c'est égocentrique. C'est quoi centrique, c'est la capacité de l'âme de vivre en harmonie avec les hommes sans être mangé par eux autres. Je pourrais vous donner des centaines de définitions de centricité, mais je vous en donne une qui est basic. Moi, je suis totalement centrique. Totalement centrique. Et là, pour tomber à terre morte, ça ne me dérangera pas, je continuerai ma conférence. Ça veut pas dire que je l'aime pas, qu'il n'y a pas fait une... Être centrique, ça revient à quoi? Ça revient à arrêter d'avoir des émotions dans le mental pour rien. Qu'à ce moment-là, je veux dire, bon, ben, tout, occupe-toi d'elle, puis moi, je continue ma conférence. Mais ça requiert une certaine conscience pour faire ça. Parce qu'on a des réactions naturelles, on est... On est humaniste. On est trop souvent humaniste. On a été construit, on a été enveloppé dans un straitjacket depuis des millénaires, des siècles. Les religions nous ont fait du tort, c'est abominable, du tort nécessaire. Ça fait partie de l'évolution. Moi, je regarde la pape se promener dans son genre, là, tu sais. Ça fait partie de la conscience des masses. Faut le respecter, ça. Parce qu'il y a une grosse différence entre l'individualité intégrée et la conscience des masses. C'est pas l'humanité qui m'intéresse, c'est l'individu. Où en arrière, la femme dans le rideau, là? Dans le rideau, mais vous. Bon, regardez bien ce qu'ils disent de vous. Ils disent que vous avez de la difficulté à vous reconnaître le droit d'être intelligent. Parce que vous avez trop de sentiments autour qui forment comme une sorte de carapace d'humilité, tout ça. Comprenez-vous ça, ça va là? C'est important pour vous autres de comprendre ça. Je ne vais pas faire le tour de la salle à soir et faire la voyance de même. Mais je vais vous montrer la subtilité de notre inconscience. Si vous ne vous donnez pas le droit avoir de l'intelligence, qu'est-ce qu'il va vous le donner? Personne. Checkez ça. Ça a plus de valeur, ce que vous avez chez un psychologue. Ceux qui appartiennent à des vieilles races, les Italiens, les Irlandais, les Hindous, les Arabes, checkez ça, des vieilles races, ils ont un empoignement sur nous autres incroyable.